sans formule. Attends, on rit pas. Tu dis rien, tu bouges à peine. Tu es là, sans être là. Es-tu en vie ou es-tu mort? Mort. Es-tu mort? Mort. Prends-moi la main, dis-moi que je suis belle. Regarde-moi comme une proie. Raconte-moi tous tes rêves. Es-tu en vie ou es-tu mort? Mort. Es-tu mort? Mort. Je t'aime, nécrophile, file, car je t'aime, t'aime comme tu es. Je t'aime, nécrophile, file, car je t'aime, t'aime comme tu es. Comme tu es, comme tu es. T'es une tombe inerte dans le lit. Tu penses à quoi? Tu penses à moi? J'suis là, j'suis nu, j'te saute dessus. T'es bien en vie, c'est loin d'être mort. Mort. C'est loin d'être mort. Mort. C'est loin d'être mort.